1947, naissance de Geoffrey Jones, acteur américain vu dans Amadeus dans le rôle de Joseph II du Saint-Empire, Beetlejuice dans le rôle de Charles Dietz, Ed Wood, Cipriolo, la légende du cavalier sans tête, Stuart Little dans l'oncle Crenshaw Little ou encore la série télé Deadwood dans le rôle de A.W. Meyrick. 1957, naissance de Marc Duret, acteur français vu dans Le Grand Bleu dans le rôle de Roberto, dans Nikita dans le rôle de Rico, dans La Haine dans le rôle de l'inspecteur Notre-Dame, dans Doberman dans le rôle de l'inspecteur Bowman, Arrête de pleurer Pénélope, Les Tuches 3, la série Les Monos dans le rôle de Lino, Les Cordiers, Juge et Flic ou encore Les Toqués dans le rôle de Pierrot. 1965, naissance de Roche Dizem, acteur réalisateur franco-marocain. Vu dans J'embrasse pas, Ma petite entreprise, Ma femme est une actrice, Le Raid dans le rôle de Samy, dans Chouchou dans le rôle de Frère Jean, 36 quai des Orfèvres, Indigène dans le rôle de Messaoud Souni, récompensé au Festival de Cannes 2006 par le prix d'interprétation masculine aux côtés de Jamel Debbouze, Samy Nasseri, Samy Bouadjila et Bernard Blancan. Il sera bientôt à l'affiche du film Le Jeu dans le rôle de Marco, sorti très prochaine, et j'ai eu la chance de le voir à l'avant-première qui a été diffusée à Épinal. Et pas de problème, allez-y, vous allez bien rigoler. Réalisateur et scénariste des films Omar m'a tué ou encore Chocolat. 1967, naissance de Mira Sorvino, actrice américaine, vue à la télé dans Will et Grace, Dr House, psych-enquêteur malgré lui, ou encore les saisons 4 et 5 de Falling Skies dans le rôle de Sarah. 1968, naissance de Mika Häkkinen, pilote automobile finlandais qui a remporté le titre de champion du monde de Formule 1 en 98 et 99. C'est également l'année de naissance de Naomi Watts, actrice britannique, vue dans Le Cercle 1 et 2 dans le rôle de Rachel Keller, dans King Kong dans le rôle d'Anne Darrow, Fair Game, J. Edgar de Clint Eastwood dans le rôle d'Hélène Gandhi, dans Diana dans le rôle de Diana Spencer ou encore Divergente 2 et 3 dans le rôle d'Evelyn Johnson Eaton. 1977, naissance de Julia Pillet, sabreur français, double champion olympique de sabre par équipe, double champion du monde et 5 fois vainqueur de la Coupe du monde. 1981, naissance de Willy Caballero, footballeur argentin, professionnel depuis 2001, qui a joué au club de Boca Junior, au club de Elche CF, à Arsenal Sarandi, à Malaga, Manchester City, et depuis 2017, il joue à Chelsea. 1982, naissance de Matt Cohen, acteur américain connu pour son rôle de John Winchester jeune dans la série Supernatural, vu également dans NCIS Los Angeles ou encore Esprit criminel. C'est également l'année de naissance de Nolwenn Leroy, chanteuse française connue grâce à la Star Academy dont elle a remporté la deuxième saison et depuis elle fait une carrière à succès. 1984, naissance de Melody Thornton, chanteuse américaine qui fut membre du groupe Pussycat Dolls, et on va tout de suite écouter un extrait de leur titre Doncha en featuring avec Busta Rhymes. Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this room? Baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Crown for the best chick, yes, I'm on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. Voilà pour l'extrait des Pussycat Dolls. On continue les anniversaires. On reste en 1984 avec la naissance de Mathieu Valbuena, footballeur français qui de 2003 à 2004 a joué à Langon-Castres, de 2004 à 2006 à Libourne, de 2006 à 2014 à Marseille, de 2014 à 2015 au Dynamo Moscou, de 2015 à 2017 à Lyon, et depuis 2017 il joue au Fenerbahçe. 1987, naissance d'Hilary Duff, actrice et chanteuse américaine, vue dans 13 à la douzaine 1 et 2 dans le rôle de Lorraine Baker, dans le téléfilm Casper et Wendy dans le rôle de Wendy, à la télé dans Lizzie McGuire dans le rôle de Lizzie McGuire, vue également dans Ghost Whisperer ou encore Gossip Girl. 1988, naissance de Marin Cilic, joueur de tennis croate professionnel depuis 2005, meilleur classement ATP, 3e place atteinte le 29 janvier dernier. Il a gagné une fois l'US Open, une fois finaliste à l'Open d'Australie et Wimbledon, et quart de finaliste à Roland-Garros. 1989, naissance d'Amandine Henry, footballeuse française qui de 2004 à 2005 a joué au club d'Hénin Beaumont, ensuite de 2005 à 2007 à Clairefontaine, de 2007 à 2016 à Lyon, de 2016 à 2017 à Portland Towns. En 2017, elle a été prêtée au PSG et depuis cette saison, elle joue de nouveau pour l'Olympique Lyonnais et à noter qu'elle est capitaine de l'équipe de France féminine. 2000, naissance de Frankie Jonas, acteur américain, vu dans Jonas L.A. ou encore Camp Rock 2. En moins 48, décédé Pompée, homme d'État romain. En 935, décédé Venceslas Ier, duc de Bohême, saint des églises catholiques et orthodoxes, souverain tchèque. Il est le saint patron, d'ailleurs, de la République tchèque. En 1895, décédé Louis Pasteur, chimiste biologiste français, pionnier de la microbiologie, qui connut de son vivant même une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. En 1956, décédé William Edward Boeing, aviateur, entrepreneur américain, pionnier de l'aviation et fondateur de la compagnie qui porte son nom. En 2003, décédé Althea Gibson, joueuse de tennis américaine qui fut la première noire à remporter un titre du Grand Chelem. C'était en 1956 à Roland-Garros. Elle a remporté également deux fois Wimbledon et deux fois l'US Open. Elle a été une fois finaliste à l'Open d'Australie et en double, elle a gagné trois fois Wimbledon, une fois l'Open d'Australie et Roland-Garros. Elle a été trois fois finaliste à l'US Open. Et à noter qu'en 2010, décédé Arthur Payne, réalisateur américain à qui l'on doit Miracle en Alabama, Bonnie and Clyde ou encore Target. Allez, petite pause musicale avec Nolwenn Leroy et le titre « J'aime ». On rêvait de pépites dans le lit des rivières, sous nos crânes de cristal, des fantômes d'illusions nous cachaient le néant et le mal. Moi je veux chercher, moi je veux Nolwenn Leroy, le titre J'aime sur le 107 FM. Un peu plus de 8h45 et on fait maintenant un point sur la météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera une très belle journée ensoleillée avec quelques petits nuages, mais rien de bien méchant. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés pour cet après-midi. Et pour ce week-end, eh bien on aura un très beau week-end ensoleillé avec pour samedi des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés l'après-midi, et pour dimanche des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin et entre 18 et 20 degrés pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le judo, les championnats du monde. Hier, c'était l'épreuve par équipe mixte. La France a décroché la médaille d'argent. Un mot de handball féminin avec la Golden League. Et hier, les Françaises se sont inclinées 21 à 24 face au Danemark. Prochain match, ce sera samedi contre la Norvège. Un mot de cyclisme ce week-end, ce sera les championnats du monde. Un mot de tennis aujourd'hui à Shenzhen. Herbert affronte Ramos Vinolas. En basket, au championnat du monde ce soir, quart de finale, France-Belgique, c'est du basket féminin. En National 1, le Jet Vosges se déplace ce week-end à Charleville. Et en National 3, Mirecourt se déplace à Saint-André-les-Vergers. En football, en Ligue 1, ce soir, Saint-Étienne reçoit Monaco. Samedi, Nice recevra le Paris Saint-Germain. Angers-Guingamp, Caen, Amiens, Lyon-Nantes, Reims-Bordeaux et Strasbourg-Dijon. Et dimanche, Rennes recevra Toulouse, Montpellier, Nîmes et Lille. Marseille. En Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit Sochaux et samedi, Metz recevra l'équipe de Le Havre. Quatrième tour de la Coupe de France ce week-end, Épinal se déplace à Nancy, Raon-l'Étape se déplace à Vendeuvre, Étang-les-Vosges se déplace à Rombas. Un mot de Ligue des champions féminines maintenant, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 face à Saint-Polten et Lyon s'est imposé 5-0 face au club d'Avaldsen. Le PSG et Lyon continuent donc l'aventure. On va parler de l'Euro 2024, ce sera en Allemagne. Un mot de golf, on en entend parler depuis quelques jours maintenant. Et bien ça y est, c'est arrivé ce week-end, c'est la Ryder Cup avec un certain Tiger Woods. Et on termine cette page sport avec du hockey sur glace. Et on va parler de la Détroit, c'est la première à domicile samedi pour l'équipe d'Épinal, le Épinal Hockey Club qui reçoit Damary-les-Lys. Entrée à 5 euros, 4 euros pour les supporters. Et c'est à 18h à la patinoire de Poisson-Pré, tous en vert. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Hilary Duff et le titre « So Yesterday ». You could change your clothes if you wanna. If you change your mind, well that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat, 'cause I wanna, they look good on me. You're never gonna get them back. But I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me. When you started to ignore me, do you see a single tear? It isn't gonna happen here. Yesterday, so yesterday.